Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est celui qui s'appelle Yahvé Tchikenu. Même si tu connais des injustices au niveau de ton travail, tu connais des injustices même au niveau de ta famille. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui va te justifier. Il ne t'a pas abandonné. À un moment donné, ceux qui te méprisaient, ils seront étonnés de voir comment Dieu va t'élever, comme il a fait avec Joseph. Le membre de ta famille là qui te persécute, ce sont eux-mêmes qui viendront se prosterner. Ils reconnaîtront que l'Éternel t'a choisi. Réveille-toi, cesse de te plaindre, cesse de pleurer. L'Éternel est avec toi. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, versets 21 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 6, 21 à 24. Lisons. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous avons besoin de proches collaborateurs fidèles comme Tychique. Oui, tu es peut-être serviteur de Dieu. Tu as une responsabilité. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas travailler seul. Tu as besoin de gens fidèles pour te seconder. Tu es chef d'entreprise. Tu as besoin de collaborateurs fidèles, des gens à qui tu peux déléguer des responsabilités. Mais il faut savoir les choisir. Tu as besoin de gens fidèles. Vous voyez l'apôtre Paul, quand il a écrit l'épître aux Éphésiens, il était en prison. Il y a des gens qui avaient besoin de ces nouvelles, mais il fallait quelqu'un de fidèle. On ne confie pas des tâches à n'importe qui. Il faut des gens fidèles. Je vais dire à un homme de Dieu, écoute-moi bien. Tu es en train de bâtir un grand ministère. L'ennemi est en train d'infiltrer des agents pour déstabiliser ton ministère. C'est pourquoi tous ceux qui viennent là, il ne faut pas se hâter de leur donner des responsabilités. Il faut éprouver, il faut vérifier, il faut prier pour que Dieu te donne des gens comme Tychique. Écoutez ce que dit la Bible au verset 21. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Il était fidèle. Il était fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, c'est d'abord c'est quelqu'un qui marche dans la fidélité avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu regardes son comportement, ce n'est pas quelqu'un qui s'est complet dans le péché. C'est quelqu'un qui reste d'abord fidèle à son Dieu, quels que soient les moments difficiles, quelles que soient les circonstances. Mais c'est aussi quelqu'un qui est loyal vis-à-vis de vous. Lorsque tu lui confies une mission, une responsabilité, il est fait fidèlement. Lorsque par exemple tu pars en voyage, tu lui dis voilà, c'est toi qui vas gérer les offrandes. C'est quelqu'un qui va rendre compte fidèlement. Mais un homme qui n'est pas fidèle, surtout en matière d'argent, Il va te raconter des histoires. Il va te dire, voilà, j'avais l'argent à la maison et puis ma servante a volé. Il va commencer à raconter des histoires. Il y a ma femme qui était malade, patati patata. Parce que ce n'est pas quelqu'un de fidèle. C'est pourquoi la fidélité doit être prouvée par la manière de se comporter. Un homme fidèle. L'apôtre Paul insistait beaucoup sur la fidélité. Non seulement chez Tychique, même chez Timothée. C'est pourquoi il va dire, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'annoncer à d'autres. Tychique était un bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Vous voyez, nous devons être fiers. Quand nous servons le Seigneur, nous sommes des ministres de Dieu. Nous appartenons à un gouvernement céleste. Même si parfois le gouvernement de ce monde ne nous reconnaît pas, ne te reconnaît pas, mais j'aimerais te dire, toi qui es appelé au ministère, tu es ministre de Dieu, ministre dans le Seigneur. Tu es dans le ministère où c'est Jésus, le roi des rois, ton patron. Alors lorsque tu le sais, tu dois non seulement être fier, mais tu dois te rendre compte d'une grande responsabilité qui est la sienne, celle d'assumer fidèlement le ministère que l'Éternel t'a confié. Quelle était la mission de Tychique? Il y avait deux choses. Donner des informations sur la situation de Paul. Vous savez, même en matière d'information, il y a des gens qui déforment l'information. Nous avons besoin de gens fidèles. Lorsque tu veux donner une information de manière fidèle, il faut chercher un homme fidèle qui connaît ta pensée, qui va dire exactement ce que tu penses. Vous voyez, il est dit au verset 21, « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle, ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. » Je veux parler à quelqu'un. Tu es un chef d'entreprise, écoute-moi bien. Lorsque tu confies la mission à quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui va ramer à contre-courant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va aller dans le sens contraire. Il va cacher les exploits que tu accomplis. Et lorsque tu lui confies la mission, lui va commencer à dire des choses défavorables pour déstabiliser les employés. Est-ce que tu vois? Lorsque tu trouves un homme qui a ce caractère-là, ce n'est pas quelqu'un de fidèle. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut confier les responsabilités. Paul dit, il va vous informer à ce qui me concerne. Et il va dire ce que je fais. Si vous voulez connaître de mes nouvelles, je vous envoie Tychique. Deuxièmement, Tychique avait pour mission de consoler les cœurs. Vous voyez, c'est une conséquence logique. Un homme fidèle, lorsqu'il va apporter les nouvelles, il ne va pas apporter des nouvelles qui troublent. Il sait comment dire. Paul était en prison. Il y a ses disciples qui s'inquiétaient. Il y a des gens peut-être qui perdaient l'espérance. Il se disait, mais à quoi sert-il de servir le Seigneur si notre maître Paul, il est en prison? Mais il fallait un homme fidèle, quelqu'un qui pouvait apporter un message de consolation. Vous voyez, il est dit au verset 22, « Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à apporter le message de consolation envers ceux qui sont troublés, envers ceux qui sont abattus, surtout dans des moments difficiles. Deuxième vérité, il y a quatre vertus dont nous avons besoin tous, en tant que chrétiens surtout. Et ce sont ces choses que l'apôtre Paul communiquait lorsqu'il priait ou lorsqu'il prononçait une bénédiction. Quelles sont ces quatre choses? Il y a d'abord la paix, la charité, la foi et la grâce. Le verset 23 dit « Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. » Le verset 24 « Que la grâce soit avec vous. » Vous voyez, nous avons besoin de la paix. Écoute-moi bien, mon ami. Tu peux avoir des comptes bancaires qui sont bien renfloués. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu es un malheureux. C'est pourquoi Jésus disait « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu as des voitures, tu as des femmes, tu as des maîtresses par-ci, par-là. Tu trompes ta femme, mais regarde où tu es malheureux. Tu n'as pas la paix. Parce que tu te sens en insécurité. On t'a dit que le ministre veut te limoger. au point où tu veux aller voir un marabout. Je parle de toi. Confie-toi en Jésus. Répands-toi. Convertis-toi. Parce que ces choses-là, tu as cherché les femmes, tu as cherché les biens de ce monde, mais tu n'as pas toujours la paix. C'est Jésus qui est le prince de la paix. Repends-toi. Ouvre ton cœur. C'est lui seul qui peut te donner la paix. Et ensuite, la charité. La charité, c'est l'amour. L'amour agapé. Nous avons besoin de l'amour de Dieu dans nos églises. Surtout pendant ces périodes où les gens vivent de plus en plus l'individualisme. Il y a beaucoup de méchanceté. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Le plus grand commandement, Jésus pouvait dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais cet amour vrai, c'est un amour qui vient de la part de Dieu. Troisième vertu, c'est la foi. Vous voyez, il y a la foi. Il y a non seulement cette foi dont nous avons besoin pour être sauvés, mais il y a la foi comme mode de vie. Dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de placer notre foi en Dieu. Dans un contexte où, par exemple, nous vivons des moments d'épreuve, comme ce fut le cas d'Abraham et Sarah, qui ont attendu pendant 25 ans, nous avons besoin de la foi. Je parle à quelqu'un, tu te sens désespéré, parce que ça fait 5 ans que Dieu t'a donné une promesse, et la promesse ne s'accomplit pas. Et tu commences à dire, ça ne sert à rien, tu commences à chercher à retourner dans le monde. Je vais te dire, non, ne retourne pas dans le monde, tiens ferme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalisera. Tu as besoin de la foi, tu as besoin de persévérance. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la dernière vertu, c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. On t'a demandé d'aller déposer ton dossier quelque part pour être embauché. Mais il y a des gens qui te disent que ça ne sert à rien parce que tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Mais écoute-moi bien. N'écoute pas les hommes. Vas-y. Si la grâce divine est avec toi, tu seras retenu. David n'avait pas le CV qu'il fallait pour devenir roi. Est-ce que tu comprends? Il était gardien des brebis en brousse. Il n'avait pas le CV demandé à l'époque là. Peut-être c'était son grand frère Eliab et d'autres personnes. Mais comme c'est lui que l'Éternel a choisi, on est parti le chercher en brousse. Et c'est lui qui est devenu le roi d'Israël. Oh, l'Éternel est capable de faire de grandes choses. Tu seras élevé. Oui, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à des hommes. Tu verras que ceux qui se confient aux hommes-là, ils seront dans la confusion. Et les gens seront étonnés. Quand tu seras embauché à ce poste-là, les gens vont te demander comment tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu diras, c'est l'Éternel, mon Dieu, qui m'a élevé. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu. Lorsque sa grâce est là. Troisième vérité, nous devons aimer Jésus d'un amour inaltérable. Le verset 24 dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. C'est-à-dire un amour qui ne dépend pas des circonstances. Même si les circonstances négatives viennent, même si les intempéries viennent, tu restes inébranlable, inaltérable. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as perdu le premier amour à cause des difficultés. Femme, tu as perdu ton premier amour à cause des difficultés que tu vis dans ton foyer. Reviens au Seigneur. Que ton amour soit inaltérable. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi, à toi le roi éternel, à toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Ouh, à toi le roi sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À jamais, amen, amen, amen, honneur et gloire. Ouh, à toi le roi, sois louange, honneur et gloire. À à Dieu. Bénissons l'Éternel. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui nous accorde la paix, la charité, la foi et la grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la... force dans la prière. Te bénissons, éternel notre Dieu, pour ton amour infini que tu ne cesses de nous manifester. Merci encore pour cette journée que tu nous accordes. Nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi qui portes un regard favorable envers nous. Merci, oh merci de ce que tu veux que nous puissions nous offrir à toi, nous-mêmes, comme un sacrifice saint, vivant et agréable à toi. Je bénis ton nom, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes en ce jour de démontrer notre foi jour après jour en t'offrant des choses meilleures. Oui, Seigneur, nous voulons nous offrir d'abord nous-mêmes et t'offrir également ce que nous avons de meilleur. Oh, béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as aimés les premiers et qui t'es sacrifié à notre place. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Cette émission sera rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. L'autre passage, c'est Éphésiens 6, 21 à 24. Nous avons besoin de collaborateurs fidèles comme Tichik. Peut-être que tu es chef d'entreprise. Peut-être que tu es un père de famille. Peut-être que tu as un ministère, tu recherches des gens fidèles. Prie l'Éternel pour qu'il te donne des gens fidèles, comme Tichik, à qui tu peux confier des responsabilités, des missions sérieuses. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu fidèle et bon, Dieu agréable, Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, ce matin encore, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix pour que tu fasses de nous des hommes intègres, des hommes fidèles. Merci parce que dans le service, nous avons besoin des hommes comme Tichik, des hommes pour envoyer dans des missions, pour ton œuvre, pour nous faire des comptes fidèles. Merci de susciter au milieu de nous cette Tichik. Merci de leur donner, Seigneur notre Dieu, cette onction, cette grâce d'être conscient de cette mission qu'on leur confie. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Que ce soit dans le ministère, merci pour cette Tichik. Que ce soit dans le service, pour cette Tichik que tu suscites. Merci et merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que nous avons besoin de ces vertus. La paix, la charité, la foi et la grâce. Tu vas prier. Peut-être que tu manques la paix. Peut-être qu'il te faut la charité, l'amour qui vient de Dieu. Peut-être que tu as besoin de foi. Tu as besoin de la grâce divine pour accéder au poste de responsabilité, pour accéder à certaines bénédictions. Prie l'Éternel pour que ces choses soient évidentes dans ta vie, au nom de Jésus. À toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin, la puissance ce matin, l'élévation ce matin, nos acclamations, parce que tu le mérites, roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Amen. Le Suprême, gloire le Majestueux, le Redoutable, Alléluia. Le Dieu des signes, accordant à tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, l'amour ce matin, la paix ce matin, la grâce, la faveur, ta miséricorde, mets-le au large, parce qu'il faut que cela les accompagne partout où ils s'en vont, là où ils déposent leur dossier de travail. Ceux qui ont fait des demandes en mariage, ô Seigneur, que tes enfants reçoivent des réponses favorables, nous te demandons de les accompagner, de les escorter, pour que ta grâce, ta faveur, ta main divine soit levée sur leur vie, dans leur foyer, afin que les enfants soient donnés la cohésion, l'entente, que les portes, ô Dieu, s'ouvrent devant tes enfants ce matin. Louange, gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin également de prier pour que ton amour envers Dieu soit un amour inaltérable. Peut-être que tu as perdu ce premier amour. Prie l'Éternel pour qu'il te garde, afin que ton amour reste toujours inaltérable, quelles que soient les circonstances. Prions le Seigneur. Sois loué, sois magnifié, sois honoré, sois psalmodié, parce que tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être honoré. Le psalmiste pouvait dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Seigneur, mon âme soupire après toi. Je veux te découvrir. Je veux marcher dans l'amour. Je veux vivre pour toi, t'aimer par-dessus tout, aimer ton œuvre, aimer ta grâce, aimer ton nom, aimer l'évangile, aimer, Seigneur, ta mission que tu nous as confiée. Père, accorde-nous le zèle, l'amour vrai, l'amour qui ne triche point, l'amour qui ne soupçonne point des autres aussi. Donne-nous et remplis-nous de l'amour de notre frère que nous voyons, de l'amour même des méchants qui semblent nous arrêter dans notre élan. Père, donne-nous cet amour afin que, par ta bénédiction, que ces hommes et ces femmes qui se sont opposés à nous acclament la bénédiction, la faveur, les grâces que tu nous fais. Merci pour cet amour qui inonde la vie de quelqu'un afin que cette personne se décide à te donner son cœur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu investis ton amour dans notre cœur aujourd'hui. Et à cause de ton amour, nous parlons de toi. À cause de ton amour, nous disons oui, que tu es Seigneur et Sauveur à quelqu'un ce matin. Merci pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas que nous avons commencé la série d'enseignements dans le cas de bonheur conjugal sur comment éviter les mauvais départs pour réussir notre futur mariage. Nous allons continuer encore les dimanches 6 au CPE à partir des 17h. C'est pour les célibataires, mais les mariés aussi peuvent venir. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.